comme tout le monde. Le système. En interaction. Expérimentation. Are you able to make situation? Are you able to love again? Malo, malo, malo. My lover. Have you ever? To think, do you need to go to the river? Are you able again? Again. I want to know, are you with? Able to create a situation. A ninja session. New situation, a new My love. Malo, malo, malo, malo, malo, malo. Malo. International, unconditional love. Ba, ba, uva, uva, uva. My love, love, love, love, love. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Because you are the international ninja musician. We know, we know, we love. We are love. We are. Yeah, we love. One heart. Just feel alright. Thank you. De l'autre côté de la planète, j'entends des voix, accent espagnol. On ne sait pas d'où ça vient, de quel côté, de quel continent. Oh. Intercontinental. Tout est possible. Surtout la création. Ici, maintenant. Un espace ouvert. Un temps suspendu au-dessus du temps compté, on compte pas ici, tranquille. c'est l'heure. C'est l'heure, mon ami. Va, on n'a pas peur, no wait, no hope, we push, we try, try again. Experiments, photos. Allez. chaque coup de pioche, à chaque coup de rame, passons. Allons. For my people, for my people. Ever to make noise, ever to make sound, ever to, ever to share, sing, dance, dance. Au pied du volcan. Dansons. Ever to sing, yeah. Thank you. Such a pleasure. I got to go. Always is a pleasure playing with you. Play with you. See you then. C'est l'heure, mon ami. Oles. Mon cher Vinéus, c'est l'heure. De partager ta souffrance. le monde me regarde et je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Et pourtant, je suis là. Je suis là. Cette fin de civilisation. Thank you.